dans votre Renault. Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Huguette Revel à Strasbourg nous dit pourquoi. C'est l'accueil en premier, ils sont à votre écoute. En termes de lunettes, c'est qu'ils sont déjà de très bons conseils. Ce sont des conseils techniques sur la monture, sur les verres, qui savent de quoi ils parlent. Quand vous allez chez lui et vous faites un devis, vous savez que celui-ci est ferme et définitif. On n'aura pas de surprise après. Et c'est vrai que j'étais rarement déçu. Laurent Waxman, l'opticien Optique 2000 de Madame Revel à Strasbourg. Ce qui est important pour nous, c'est d'apporter à nos clients une solution personnalisée, le meilleur conseil pour les montures et pour ses verres, pour qu'ils soient aussi à l'aise avec ses lunettes que s'ils n'en avaient pas besoin. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous gérons tout pour nos clients. Alors Madame Revel, contente d'Optique 2000 ? Très, et cerise sur le gâteau, il s'occupe de mon dossier. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les économies de Benoît qui changent, avec des bons d'achat de 5 euros à valoir sur ses prochaines courses. 5 euros par tranche de 30 euros d'achat valable dans tous les rayons Benoît. Remplir ton caddie sans vider ton portefeuille. C'est ça la magie de Noël. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan et Auchan Drive vous offrent des bons de 5 euros tous les 30 euros d'achat. Et en plus, découvrez des offres renversantes sur des centaines de produits. Alors foncez. Auchan. Limité à 5 bons par client, soit 25 euros, réservé aux porteurs de la carte Wahoo, bons utilisables les 14 et 15 décembre, conditions en magasin. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Il me semble raisonnable à 9h31 de retrouver tout de suite Julien Courbet. Merci beaucoup les infos, voici maintenant les missions que nous allons régler avec les équipes de Ça peut vous arriver. Tout d'abord la mission de Sophie. Je vous appelle des Yvelines, j'ai dépensé 1390 euros pour une maison de vacances dans laquelle je n'ai jamais pu séjourner. Et pour cause, la maison n'était pas louable, on était bien loin de ce qui était décrit dans l'annonce. Nous partirons voir James Lee. Je vous appelle de la Moselle, j'ai acheté un canapé dans une grande enseigne et je l'ai payé 700 euros. Quand je m'assois dessus, on sent les ressorts qui sont prêts à transpercer le tissu. Le SRI m'annonce que depuis avril, une nouvelle assise vient de commander et j'attends toujours. Et puis, un problème de construction de maison avec Christophe. Je vous appelle de l'Essonne, j'ai versé 200 000 euros à un constructeur pour ma maison. Un pilier de porte d'entrée, un pan de mur et le pourtour du garage n'ont pas été enduits. Évidemment, c'est très moche et cela fait des mois que cela traîne. Ah ben vous l'avez reconnu, ben, oui. Pour une mauvaise chaussure, une mauvaise là. J'aime bien ce petit accent. Ah oui, pour essayer de régler les problèmes, la Dream Team est là. Il y a Maître Novakovic, l'avocate au barreau de Paris qui est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a la cousine de la chanteuse Naya, Maître Felono qui est avec bonjour, nous. Bonjour Julien, bonjour. Double négociation, Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. Les journalistes, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Passer la nuit avec une jeune fille allemande très charmante. Et ce qui fait que le matin au réveil, le salon, faut c'était. Pour nous joindre, Céline, c'est le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou bien, super gratuit, le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Ou mieux encore, RTL.fr. Vois-tu, alerte ou patraque, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner. Il y a des photos pour le cas suivant. C'est le cas de Sophie qui est en ligne avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Racontez s'il vous plaît aux auditeurs d'RTL le but de votre appel. Alors mon ami et moi avons loué une location de vacances cet été au mois d'août dans la région normande. Et quand on est arrivé dans la location, il s'est avéré que la maison ne correspondait pas du tout à l'annonce. Au niveau des proportions et surtout on s'est retrouvé dans une location très sale. Alors on va commencer par l'annonce, est-ce que vous l'avez peut-être sous les yeux? Oui. Alors que dit l'annonce exactement? Alors, idéalement situé dans un secteur recherché en plein cœur de la station à 100 mètres des commerces et de la plage. Maison indépendante avec cour, entièrement équipée, comprenant un séjour cuisine, donc il y a un slash qui sépare le séjour de la cuisine. Entre parenthèses, lave-vaisselle, four, trois petits points. Avec télé HD et lecteur DVD. Ensuite, une première chambre, entre parenthèses, lit de 140 avec TV HD et lecteur DVD. Deuxième chambre, lit de 140 cm, lit de 90 cm. Puis salle d'eau, entre parenthèses, sèche-serviette, lave-linge. Puis WC séparé. Et enfin, petite cour avec salon de jardin, 6 personnes, bain de soleil, barbecue fourni. Voilà. Qu'avez-vous trouvé à l'arrivée? Alors à l'arrivée, déjà avec le propriétaire, me fait traverser sous un porche rempli d'ordures. D'accord. On s'est partout à 100 mètres des commerces, mais dans une rue piétonne, donc au cœur des commerces. D'accord. Et sous ce porche, en fait, c'était les ordures des restaurants avoisinants, donc avec tous les poissons, qui sont mangés bah, voilà, tout l'été par les touristes. Et il y a donc des photos qui sont sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Bernard Sabat. Écoutez Julien, je vais pousser un coup de gueule et vous allez comprendre pourquoi je viens vers vous Julien. Alors des photos. Suite sur RTL, un coup de gueule. Alors Bernard vient avec des photos, expliquez-nous ce qui se passe Bernard. Si je vous parle de la station Villers-sur-Mer dans le Calvados, ça vous fait rêver, bord de mer 100 mètres, voici l'entrée, le couloir pour rentrer dans la maison et voilà la porte d'entrée. Ouais. Voilà, ça c'est 1390 euros, vendu alors, donc... Une porte d'entrée avec sur la gauche de la porte d'entrée donc un mur dans lequel il y a un trou et après une espèce de vitre de hangar qui est complètement cassée, qui correspond à quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. C'est en fait tout ce qui est autour, les immeubles qui sont à l'abandon. Mais l'entrée, je le dis pour ceux qui ne peuvent pas aller sur le Facebook, la page ça peut vous arriver. C'est vraiment, vous imaginez un grand couloir avec tous les containers à poubelles. Mmh. Et je comprends qu'on n'ait pas envie quand on rentre tous les soirs. Il doit y avoir une odeur en plus, ça doit être terrible. C'est pas du tout la petite maison pleine charme dans une station balnéaire. Bon, quand vous appelez cette... Je suis avec ma petite fille de 2 ans en plus, donc c'est pas agréable non plus. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit ou il vous dit, le monsieur qui vous a loué ça? Il me dit, en tout cas, il m'a répondu à ça, qu'il n'était pour rien, que c'était la mairie qui avait qu'à faire son travail. Je lui ai des odeurs évidemment de poissons, etc. Il m'a dit qu'il fallait fermer les portes, mais je lui ai dit, en été, on vit un peu les fenêtres ouvertes quand même. D'accord. Surtout s'il y a une cour et qu'on va en profiter. D'accord. Donc il m'a dit qu'en gros, il n'était pour rien. Alors, vous avez payé 1390 euros, vous êtes resté combien de temps? Je suis pas restée du tout. Ah, vous êtes reparti. Alors ça, c'est une règle d'or immédiate que nous faisons parce que là, ça a été le bon comportement quand on peut le faire, bien sûr. La règle d'or sur RTL. Car malheureusement, rappelons-le, Bernard Sabat, quand on arrive dans un endroit où l'on ne peut pas passer ses vacances, mais qu'on y reste malgré tout jusqu'au bout, on ne peut pas demander le remboursement intégral. Par contre, elle, dans la mesure où elle dit « je m'en vais tout de suite », là oui. Et oui, exactement. Donc là, elle peut faire valoir ses droits, Julien, parce que quand on reste sur place une semaine, on a entre 25 et 30% de remboursement en termes de dédommagement. Donc ça vaut le coup de prendre le risque. C'est pas toujours évident de le faire au mois d'août, maître Novakovic, je vous le confirme. Alors, justement, parlons maintenant avec maître Novakovic, parce qu'on ne parle pas assez avec elle. Et quand on lui parle, en général, la lumière arrive et nous comprenons mieux. Là, qu'est-ce qu'il faut? Envoyer des photos? Comment on mène son procès dans ces cas-là? Alors, immédiatement, lorsque vous constatez bien sûr ce genre de désagrément, vous effectuez des photographies. Donc des photographies immédiates, des traces. Et vous adressez à ce propriétaire, donc ce bailleur, un mail avec une copie de toutes les photographies en indiquant, voilà, c'est inadmissible, je ne peux pas accepter cette location puisqu'il s'agissait d'une condition déterminante du contrat, à savoir un local propre par exemple, etc. Enfin, donner tous les détails. Vous trouverez ci-joint les photographies qui font que je ne peux pas rester dans les locaux. En conséquence, vous voudrez bien me rembourser effectivement la provision que j'ai versée, plus ma caution, et je pars immédiatement. Et alors, en plus, ce monsieur, il est responsable en gestion de patrimoine, donc il connaît quand même un petit peu la vie. On va l'appeler Sophie dans quelques instants. Un dernier mot, Bernard, rapidement. Je crois que vous avez précisé une chose importante. Il a loué à titre personnel, mais il est issu du milieu professionnel. Ouais. Et là, excusez-moi, Julien, c'est très, très limite. Ses propos n'engagent que moi. Moi, j'ai loué au Portugal il y a très, très longtemps un appartement sur annonce. Et effectivement, il faisait vraiment la bonne taille, etc. Sauf que ce qui n'était pas précisé sur l'annonce, c'est que c'était un appartement en sous-sol. Et les seules fenêtres qu'il y avait, vous voyez marcher les gens, vous savez, les pieds en haut. Et donc, on a vécu dans le noir total. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes au Portugal? Alors, bien sûr, on aurait pu faire demi-tour. D'un autre côté, j'étais à un âge où on ne passait pas beaucoup de temps dans l'appartement. Et quand on rentrait, on ne s'apercevait même pas qu'il n'y avait pas de fenêtre, car on était un peu fatigué. Mais bon, je me mets à la place de ceux qui ont traversé comme ça et qui se retrouvent avec des appartements dans cet état. Dans une seconde, il y aura le deuxième cas en parallèle, s'il vous plaît. C'est James Lee, 700 euros pour un canapé avec des défauts. Et le magasin lui promet de lui renvoyer un canapé depuis avril. Nous essaierons d'aider James Lee. Si nous n'y arrivons pas, nous appellerons son frère Bruce, qui pourra peut-être nous donner un coup de couvain. En France, près de 1000 cambriolages ont lieu chaque jour. Il existe pourtant des solutions pour les éviter. On en parle avec Benoît, expert sécurité Vérissure. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. C'est vrai, les cambrioleurs ne prennent pas de vacances, mais ils profitent des vôtres. Notamment en décembre, qui détient le record du nombre de cambriolages. Vous avez un conseil pour nos auditeurs? Par exemple, à la veille des fêtes, évitez de laisser les cadeaux en évidence ou les cartons dans les poubelles le lendemain de Noël. Ah oui. Et n'hésitez pas à simuler au moins une présence les soirs de fête. Et que proposez-vous chez Vérissure pour vraiment rassurer les familles? La meilleure solution, c'est la prévention. Chez Verisure, nous vous protégeons grâce à des systèmes d'alarme connectés à des humains 24 heures sur 24. Dès qu'une intrusion est avérée, nous alertons les forces de l'ordre. Merci Benoît pour ces précieux conseils. Retrouvez toutes les solutions Verisure sur verisure.fr. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec la première radio de France. Les garçons, excusez-moi, quel est le plat du jour, s'il vous plaît? Eh bien, le plat du jour, c'est... L'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, les ours en plus d'un mètre sont à 9,90€ chez Netto. L'air discount, la bonne affaire du jour. Netto, le discounter qui fait la différence. 9,90€ l'unité, différents coloris disponibles, modalités et magasins participants sur netto.fr. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous voulez faire des cadeaux qui sortent du lot, nous, on propose l'ensemble Hoverboard plus Hovercart Flyblade à 139€, soit 50€ de remise. Un cadeau surprenant à prix renversant. Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche, liste et conditions sur conforama.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, je suis chez Lidl là, et je suis paumé. Chez Lidl? Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre Princesse Amandine en filet d'un kilo 5 sont à 1,99€. Moins de 2€ le filet de 1,5 kg. Et des pommes de terre origine France, hein. Eh ben, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 35-55, traitement antigerminatif après récolte, pommes de terre de consommation à chair ferme, variété Amandine, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut, et en plus c'est beau. À Noël chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20€ par mois pendant un an, puis 41€. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€. Chérie, j'ai trouvé le cadeau idéal pour toute la famille. Une Fiat. Comment t'as deviné? Bah jusqu'à 4000€ de remise sur toute la gamme et sans condition, c'est déjà Noël chez Fiat. Oui, et sans oublier les 1000€ de bonus EcoFiat pour la reprise d'un véhicule de plus de 7 ans. Ah oui? Et lors des Christmas Days, Fiat offre en plus 1000€ de carburant. Eh bah cette année, pour les cadeaux, on va taper dans le mille avec Fiat. Fêtez Noël avant l'heure avec les offres Fiat Christmas Days jusqu'à lundi seulement. Offre particulière valable sur véhicules en stock hors 500 et Panda dans le réseau participant. 1000€ de carburant sous forme de remise commerciale. Détails sur Fiat.fr. Christmas Days, jour de Noël. Fiat. Carrefour. Carrefour lance les Happy Hours. Il y a 10€ en bon d'achat tous les 30€ d'achat sur plein de produits. Résultat des courses, je suis la reine des économies. Aujourd'hui, c'est les Happy Hours dans vos hypermarchés Carrefour et leur Drive. À partir de 17h, il y a 10€ en bon d'achat tous les 30€ d'achat sur tous les chocolats de Noël, tous les alcools et tous les jouets avec la carte Carrefour. Carrefour. Panachage non possible, limité à 90€ d'achat par catégorie de produits de 17h à la fermeture des hyper. Modalité produits concernés, magasins participants et horaires sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour votre santé, évitez de grignoter. Happy Hour, heure heureuse. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, nous revenons sur cette maison de vacances. Il y a des photos, Céline. Regardez, si vous pouvez, sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver, ce qu'elle a loué. 1390€ pour une maison de vacances qui paraissait très agréable hein, sur l'annonce. Et donc, les photos sont sur Facebook. Sur place, il faut traverser un local à poubelle pour accéder au logement. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que le logement est encore en ligne. On peut encore s'y rendre en vacances si on souhaite. Alors, nous allons appeler ce monsieur. Elle a eu le bon réflexe. Elle est partie tout de suite. Elle a dit, moi, je ne reste pas là avec ma fille. À sentir les odeurs de poubelle, à vivre là-dedans, et donc elle est en droit de demander maintenant le remboursement. Alors il lui a fait une proposition, hein, Sophie, ce monsieur, il vous a dit, je vais la relouer et dès que je l'ai relouée, je vous reverse le loyer qu'on m'a donné, c'est ça? Oui, en gros c'était ça. Moi je lui ai dit, bah, pourquoi ne pas nous redonner l'argent tout de suite et vous la relouer par derrière. C'est pas sûr qu'on retrouve un couillon pour vivre là-dedans, vous voilà, ah, il en passe tous les jours des couillons qui prennent des locations là-dedans. Vous, j'ai du poids des mais je suis pas sûr d'en trouver un autre. Il m'a surtout dit qu'à cette période-là de l'année, il était compliqué de trouver des locataires. C'est bizarre, elle a deux sons de cloche. Il m'a dit que c'était une location qui était très prisée, sauf que les trois dernières semaines d'août étaient libres. Et d'un autre côté, il me dit qu'il a du mal à trouver des locataires. Donc, On l'appelle, c'est parti, nous appelons ce monsieur. Alors, attention, nous avons écouté la version de Sophie. Nous allons maintenant gentiment écouter la version de ce monsieur et voir si nous pouvons trouver un accord. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sophie? Ah, je suis journaliste. C'est pas vrai? Si. Dans la presse écrite, dans quoi? À la télé. Non. Si. Je présente le journal de 20h sur TF1. Non. Bonjour, vous êtes bien sur le réseau. Alors, on va couper. Est-ce qu'on a un deuxième numéro? Eh bien oui, on a le numéro de l'endroit où ce monsieur travaille. Et c'est parfait, faisons-le tout de suite. Premier agent, bonjour. Bonjour, est-ce qu'il est possible d'avoir monsieur Barenton? Oui, vous êtes monsieur? Monsieur Courbet. Courbet, je vous transfère. Allô, monsieur ? Oui ? Oui, en fait, il est actuellement dans un... En fait, il y a un... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est pas un congrès, mais bon, c'est un grand rendez-vous avec, voilà, au niveau de l'amiral gestion, donc il n'est pas dispo. Je vous invite à l'appeler en début d'après-midi, à 14h30. Je le rappelle. Merci, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous aussi, monsieur. Au revoir. Alors, nous allons peut-être tenter par un autre biais d'avoir ce monsieur, mais effectivement, s'il est dans une conférence, Sophie, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que je l'ai pas là tout de suite que je l'aurai pas dans les minutes qui viennent. Mais on va s'en occuper, Sophie. Donc, on a eu la règle d'or. Bernard et Hervé essaient de la voir, et donc, effectivement, je vois Sophie maintenant, car je viens d'accéder à votre CV, que vous êtes journaliste chez Equidia. Parfait. Oui. Donc, vous occupez des courses, etc. À quelle heure peut-on vous voir? De 10h du vendredi au dimanche. Écoutez, je vous vois en photo, Sophie. Sachez que pour vos prochaines vacances, vous n'aurez aucun souci. Je vais vous proposer de partir 15 jours où vous voulez, Sophie. Il n'y aura pas de container à poubelle, croyez-moi. Hein. Il y aura peut-être Hervé Pouchol avec nous, ce qui revient à peu près au même, mais franchement, ça se passera bien. Non, c'est Sophie, franchement, on en rit parce qu'il vaut mieux en rire et parce que c'est le. Voilà, c'est un peu la griffe de l'émission, mais quand. C'est vos vacances, que vous les avez attendues, que vous partez avec votre petite fille en vous disant, voilà, on va être 15 jours pour nous et que vous arrivez là. Parce que du coup, vous vous êtes retournée comment après ? Alors, en fait, on est parti chez mes beaux-parents qui vivent à 1h15 de Villers-sur-Mer. Oh la galère ! Oui, pardon. Et donc, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé pour ma petite fille qui était évidemment très heureuse de les voir. Après, on voit bien, bien sûr. Pour nous accueillir en fait. Donc on faisait un peu de camping, si vous voulez savoir. Et mon ami, lui, faisait des allers-retours parce qu'il allait travailler sur Deauville tous les jours. Ah. Donc c'était aussi dans le but de le rapprocher, lui, pendant une quinzaine de jours de son lieu de travail. Donc c'était un peu de. Allez, Sophie, on s'en occupe. Dès que nous les avons, vous restez près du téléphone, je vous fais une petite alerte. Nous allons attaquer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Sophie, on va tout faire pour vous aider. Nous allons attaquer. Et le deuxième cas dans une seconde. James Lee, c'est 700€ pour un canapé avec des défauts. Depuis avril, le magasin lui a promis une nouvelle assise. C'est un beau cas, ça, Maître Felonneau. Il a l'air de vous. Beau. Ah oui, parce que les cas de canapé, en général, vous êtes un peu la spécialiste. J'adore. Il paraît que les ressorts sont prêts à transpercer le tissu. Dis donc. Le tissu et le pantalon de James. Parce que vous, on ne laisse pas faire. On va appeler aussi les voisins pour savoir s'ils entendent des cris de temps en temps. Parce que qu'est-ce que c'est encore ce cri dans la nuit? Il y a un qui s'est assis sur le canapé. Et le ressort a dû transpercer le tissu. Tu sais où il est le ressort maintenant? Non. Bon, allez, on se retrouve dans une seconde après avoir écouté ça. Brigitte Bardot sur RTL avec Harley Davidson. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que telle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Brigitte Bardot, Harley Davidson. Demain dans Confidentiel, Jean-Alphonse Richard vous raconte la vie de Brigitte Bardot. Elle démarrera l'émission à 13h30, se terminera peut-être à 2 ou 3 heures du matin car la vie de l'actrice a été bien remplie. Et dans quelques instants, c'est le cas de James Lee. Ce n'est pas un problème de Nunchaku, mais bel et bien d'assis sur son canapé dont nous allons parler dans quelques instants sur RTL. La radio qui vous aide quand vous avez un souci, nous sommes toujours là pour vous aider. C'est ça RTL. I know you come a long way. Si on pensait au Roquefort. On vous a déjà fait le coup de l'endive à l'apéro ou en salade? Une belle feuille d'endive, quelques dés de roquefort déposés au milieu avec des pignons de pin et une pointe de balsamique. Et là, tu croques, tu dégustes. C'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, bougez plus. C'est Noëlland chez Toys R Us. Les lutins du Père Noël, ils sont très gentils. Alors moi, je pense qu'il faut être encore plus gentil avec eux. Pour aider les lutins chez Toys R Us, sur tous les jeux Hasbro Gaming, pour un acheté, le deuxième est à moins 50%. Toys R Us. Sur le moins cher des deux pour l'achat simultané de deux jeux Hasbro Gaming. Noëlland Pays Noël. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. 14,99€, qu'est-ce que c'est? Eh ben, it's a lot. Oh non, je trouve pas ça cher, moi, mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la queue de lotte pêchée en Atlantique Nord-Est est à 14,99€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. It's a lot signifie c'est beaucoup, dans les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel. Pendant ce temps chez Renault, Faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99€ par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000€ plus 36 loyers de 99€. Si Accordiac, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39€ hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, et je vous mets au jus? Sans le pépin là. Oui bah aujourd'hui et demain, le filet d'orange à dessert de 3 kg dont 1 offert est à 1,99€. Le filet d'orange à dessert de 3 kg dont 1 offert à 1,99€, c'est juste pas possible. Ah si, ça fait 67 centimes le kilo. J'en prends un filet. Te presse pas de rentrer surtout, hein, t'es mal hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 4, 5, variété Naveline, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Holiday on Ice fête ses 75 ans. Plongez dans la magie du plus grand des spectacles sur glace. Avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux. Holiday on Ice, au Palais des Sports de Paris, du 28 février au 5 mars 2019, et en tournée dans toute la France. Plus d'infos sur holidayonice.com. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le dîner entre amis de Sylvain qui change, avec la côte de bœuf à seulement 10,95€ le kilo. Une belle pièce de bœuf à partager, Sylvain. Par contre, fais attention, parce qu'un partage, même entre amis, c'est pas toujours équitable. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent la côte de bœuf à 10,95€ le kilo. Et vos dîners entre amis changent. Auchan. Viande bovine, côte 3 étoiles, à griller, en caissette. Origine France. Magasin ouvert dimanche sur Auchan.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et voici un deuxième cas. J'accueille sur l'antenne d'RTL James Lee. Bonjour James Lee. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Inutile de vous dire que ça nous intrigue beaucoup ce James Lee. Alors c'est de quelle origine? Oui, je m'en doutais. Américaine. Américaine. Donc vos parents sont américains, c'est ça? Oui, mon père, ouais. Très bien. James Lee, qu'est-ce que j'aurais aimé m'appeler James Lee? Qu'est-ce que ça doit le c'est faire? C'est sûr, c'est notre gueule. Ah, bah oui, vous êtes gentil. James Lee, donc racontez-nous, parce qu'après, c'est quand même un peu moins glamour. Oui. C'est l'histoire d'un canapé acheté dans une grande surface. Allez-y. Ouais, c'est ça. Donc j'ai acheté ce canapé, donc 700 euros. Au bout de 6 mois, je me rends au magasin, donc vous savez, pas de problème. Envoyez-nous des photos, nous allons faire le nécessaire, etc., etc. Et depuis avril, j'ai aucune nouvelle, malgré des recommandés. Mais vraiment aucune nouvelle, ça m'étonne parce qu'alors, encore une fois, et je le dis pour toutes les marques, je le dis par exemple pour AXA, je le dis pour La Poste, je le dis en voiture également, qu'est-ce qu'on a comme supermarque qui nous répond tout de suite? On peut vente dire privée. Effectivement Volkswagen. Vente privée qui est une marque de voiture très connue, Bernard Sabat. Merci beaucoup. Bien. Surtout, vous n'hésitez pas à prendre la parole pour dire des choses pareilles. Fiat, voilà. Volkswagen, enfin, a priori. Et but, à chaque fois qu'on les a fait, je vous assure que ça a été réglé dans l'heure qui suit, donc je ne comprends pas. C'est vraiment une marque sérieuse. But d'ailleurs, s'ils sont là depuis des années, c'est quand même assez étonnant. Donc ce canapé, qu'est-ce qu'il a? Quand on s'assoit, il y a les ressorts qui sont prêts à transpercer le tissu? Oui, voilà, c'est ça. Je sens tous les ressorts. C'est pas très confortable, quoi. Ah oui, je me doute. Ah bah oui, je ne vous cache pas que moi, qui souvent aime bien m'asseoir dans mon canapé en slip pour garder le soir ma série préférée, si j'avais un ressort tout d'un coup qui venait... Ça peut faire très très mal. Bon, alors Maître Fellonneau. Alors, vous savez, ça c'est un défaut de conformité. Ce canapé a été acheté neuf. Tous les défauts qui apparaissent dans les 2 ans de la livraison sont réputés être des défauts cachés qui existaient avant la vente. Il y a la responsabilité du vendeur. Le vendeur, il doit réparer. C'est ce qu'il a proposé le 4 avril. Notre fournisseur nous envoie une nouvelle assise de façon à ce qu'il n'y ait plus ce problème. Il a 30 jours pour régler le problème. Si les 30 jours sont passés, il doit soit rembourser. Voilà. Donc, on attend le remboursement ou le remplacement si jamais James veut effectivement toujours cette nouvelle assise. Mais il doit faire quelque chose. Juste apporter une précision. Ouais, depuis l'achat de ce canapé, donc j'ai déménagé. Et donc, en fait, malheureusement, il ne rentre pas dans ma pièce principale. Et en fait, du coup, depuis cette histoire, j'attends de le vendre, en fait. Mais bon, je ne peux pas le vendre quand il est, s'il est abîmé, quoi. Ah non. Oui. Non, mais surtout, ne le vendez pas si nous, on essaie de résoudre le problème, parce qu'ils vont venir le récupérer. Je suis sûr que ça va bien se passer. En plus, excusez-moi, mais vous vous appelez James Lee. Donc, vous ramenez une super nana. James Lee m'a ramené chez lui. C'est James Bond, tout. Tiens, viens, assis-toi sur le canapé. Elle s'en va, si tu veux. Elle reste pas, en général. Alors, ce n'est pas vraiment un bruit de canapé que nous avons mis là. On a un petit peu bidouillé. C'est une baleine du soutien-gorge de Maître Phénomène. Lâchez-moi un peu. Ce que je veux dire, juridiquement parlant, c'est que là, James est très honnête. Il nous dit, finalement, ça ne m'arrange pas de garder ce canapé. Peu importe, on n'a pas rentré dans ses considérations personnelles. D'après l'article 217-11 du Code de la consommation, le remboursement pur et dur lui est dû. Oui. Donc on demande que ça. Je comptais pas leur demander de me faire écouter le nouvel album des Rolling Stones. Je comptais bien avoir un canapé. Ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Est-ce que l'on peut savoir, Céline, s'il y aura du nouveau sur d'autres cas? Oui, on pourra faire le cas de Christophe si vous souhaitez. Alors, c'est 200 000 euros pour une maison sans enduit sur certains murs. Eh bien écoutez, on va tout y simplement aller. C'est de la construction, c'est de la voiture, c'est du travail, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est des avocats qui sont là pour vous aider, une équipe. Donc vous n'hésitez pas, 3210 ou Facebook, la page, ça peut vous arriver. Sephora. Vous connaissez Noël, mais connaissez-vous Noël chez Sephora? Cette année, mettez les petits paquets dans les grands et profitez de moins 25% sur les parfums et coffrets parfums. De quoi faire plaisir à ceux que vous aimez. À commencer par vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'à dimanche pour céder à vos lubies parfumées à moins 25%. Alors n'attendez plus pour trouver le cadeau parfait. À très vite chez Sephora. Liste des magasins ouverts sur Sephora.fr. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. On a tous droit au meilleur des Noëls avec Carrefour Market. J'aimerais profiter de mes invités et ne pas passer des heures derrière les fourneaux. Une idée? Des huîtres, Michel. Oh, mais c'est top, ça. Jusqu'à demain, chez Carrefour Market, la bourriche de 2 douzaines d'huîtres élevées en France est à seulement 6,99€. Oh là là, mais tout le monde va se régaler. Attendez, c'est pas fini. Aujourd'hui et comme tous les vendredis, c'est moins 10% sur toute la poissonnerie sur votre carte fidélité. C'est déjà Noël. Carrefour Market. La bourriche de 1,3 kg soit 5,38€ le kilo. Calibre 4, origine selon approvisionnement en magasin. Modalité sur carrefour.fr. Intersport. Avant, Philippe prenait son temps pour trouver ses cadeaux. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais depuis qu'il sait que l'offre Nike est en quantité limitée... Ouais, finalement, je vais courir. Jusqu'au 9 décembre, célébrons Noël chez Intersport. Avec une sélection de produits Nike jusqu'à moins 50%. Par exemple, les chaussures Nike Air Max Command Flex Junior sont à 49,99€ au lieu de 99,99€. C'est 50% de réduction et 100% d'idées cadeaux en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Et si on parlait Renault Service? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15€. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Tu vois, la clémentine de Corse se reconnaît à ses feuilles vertes. Of course. À son goût unique. Of course. Elle est pleine de soleil. Of course. Clémentine de Corse. Of course. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la collectivité territoriale de Corse. Alors, je fais les présentations. La bague. Mon doigt, la bague. Bon, je vais vous laisser faire tranquillement connaissance. En tout cas, perso, je trouve que vous allez hyper bien ensemble. Non, vraiment, vous êtes au top. Habituez-vous à porter des bijoux de créateurs avec la nouvelle collection Le Manège à bijoux. Comme la bague créée par Sheila Andrioli Stuart en or gris et diamant à partir de 325€. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Leclerc. Bague en or gris 2,50 g et diamant 0,22 carats taille 54. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h sur RTL. Nous allons lancer juste après les infos l'appel, bien sûr, pour le canapé de James Lee. Mais là, tout de suite, je voulais vous parler de nos amis du Télégramme. qui expliquent dans leur colonne qu'une commerçante de Vannes dans le Morbihan témoigne s'être fait démarcher au téléphone par un mystérieux individu un soir peu avant la fermeture. L'homme s'est présenté comme un employé de la société qui gère la maintenance de son terminal de paiement électronique. D'un ton convaincant, il expliquait qu'une grosse panne chez eux nécessitait de faire une vérification sur l'appareil utilisé par le magasin. La commerçante a d'abord suivi les indications à distance, les yeux fermés, mais elle a commencé à douter quand le pseudo-technicien lui a demandé de valider l'option crédit et de mentionner la somme de 500 euros. À ce moment-là, la commerçante a remarqué que le numéro de téléphone était masqué. Prise de doute. Elle a refusé l'opération, puis elle a raccroché devant l'insistance de son interlocuteur. Depuis, l'homme n'a jamais repris contact avec elle. La gendarmerie est sur le coup. Ça, c'est une petite règle d'or de bon sens. Quand on vous appelle pour des choses comme ça, si c'est en masqué, vous dites « je veux un numéro de téléphone et je vous rappelle, monsieur, comme ça j'aurai au moins vos coordonnées ». Tout à fait, parce que les démarcheurs, paraît-il, sont de plus en plus évidemment en numéro masqué. Donc, ne exigez effectivement leur numéro, mais surtout, ne rentrez pas, quand vous ne connaissez pas les personnes, ne rentrez pas dans des détails du genre « votre logiciel ne fonctionne pas, etc. » C'est de l'arnaque. Appelez votre patron, surtout. C'est de plus en plus fréquent. Donc, arrêtez, rappelez-vous, les arnaques aux banques, les fameux scandales qu'il y a pu avoir. Donc, vraiment, évitez tout contact avec les personnes que vous ne connaissez pas. Merci, Maître Novakovic. Toujours en direct du championnat du monde du lancer de soutien-gorge. Le voici, la nouvelle candidate, c'est la Française qui arrive. Maître Felono va tenter d'enlever la graffe. Attention, c'est parti. 82 mètres, nouveau record. Merci d'être avec nous. Deux cas ont été lancés. Toutes les équipes sont motivées. RTL est la radio qui aide ses auditeurs chaque matin entre 9h30 et 11h. Bonne journée à vous tous. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 10h. Les infos. Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Julien, bonjour à tous. Emmanuel Macron reste silencieux et ne parlera qu'en début de semaine prochaine. Donc après la nouvelle mobilisation annoncée des Gilets jaunes, le chef de l'État souhaite ne pas mettre d'huile sur le feu à la veille d'un samedi de manifestation à haut risque. Le gouvernement craint le pire, hein, une semaine après des graves violences et des images de guérilla urbaine, notamment à Paris. Un dispositif exceptionnel sera déployé demain. 89 000 membres des forces de l'ordre à travers toute la France, dont 8 000 dans la capitale où les policiers et gendarmes seront renforcés par la présence de véhicules blindés à roues de la gendarmerie. Invité de RTL ce matin, le procureur de Paris annonce avoir autorisé les contrôles de police dans tous les endroits sensibles afin d'interpeller en amont les personnes venues en découdre avec les forces de l'ordre. Et puis, on apprend que dans le Pas-de-Calais, des manifestations seront interdites ce week-end sur plusieurs points sensibles. Pour tenter encore de désamorcer cette journée de violence, le gouvernement reçoit ce matin les organisations syndicales et patronales pour discuter notamment de la prime transport et du versement d'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en appelle aux entreprises face à l'urgence sociale absolue, je cite. De son côté, le président du MEDEF, patron des patrons, estime que les entreprises sont en train de devenir le bouc émissaire d'une révolte fiscale. Près de 150 lycéens à genoux, assis, mains entravées ou sur la tête. Les images de la journée d'hier choquent ce matin jusqu'au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Mais ce dernier tient à rappeler le contexte de violence qui a conduit à cette opération à Mantes-la-Jolie, en pleine fronde lycéenne dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes. Ces élèves ont été interpellés après des incidents près de leur lycée où deux voitures ont été incendiées. Des affrontements avaient également éclaté avec la police. Au total, hier, environ 280 établissements scolaires ont été bloqués ou perturbés, ce qui a conduit à plus de 700 interpellations de lycéens au total. Lors de la confrontation pour Jonathan Daval, soupçonné d'avoir tué sa femme Alexia, il avait avoué le meurtre avant de se rétracter. Jonathan Daval accuse désormais sa belle-famille du meurtre. Les deux parties se rencontrent actuellement dans le cabinet du juge d'instruction au tribunal de Besançon. Et puis dans l'actualité automobile, Nissan rappelle 150 000 voitures après la découverte de nouveaux problèmes d'inspection. Une mauvaise nouvelle de plus pour le constructeur Nippon, déjà dans la tourmente depuis l'arrestation de son ancien président Carlos Ghosn sur des soupçons de malversation financière. La bourse de Paris dans le vert ce matin, plus 1,28%. Le CAC 40 autour des 4840. Un point. La météo pour cet après-midi, la perturbation pluvieuse va s'étendre de la Nouvelle-Aquitaine au centre-Val de Loire, Bourgogne, Île-de-France, en remontant vers le nord et le Grand Est. Les rafales de vent vont frôler les 100 km/h sur les côtes, 80 dans les terres. Épargnés par ce mauvais temps, les départements pyrénéens, l'est de l'Occitanie, Rhône-Alpes, PACA et la Corse. Sur ces régions, il fera très beau. Les températures pour cet après-midi, 10 degrés à Brest, 11 à Limoges, 12 à Paris, 15 à Marseille, 17 degrés à Bastia. Fabriqué en France, les oreillers et couettes Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Cola Normand, chaque matin, partez gagnant.

But vous rembourse votre appel en bon d'achat. Rendez-vous sur monavantage.but.fr. Pour commencer, veuillez saisir les 5 chiffres de votre code postal. On a ça ? Oui, bien sûr. Ah ben, on y va. Nous vous mettons en relation avec votre magasin But, Thionville. Veuillez patienter. Dans le cadre du suivi de qualité de service, nous vous informons que cette communication est susceptible d'être enregistrée. Allez, nous allons merci avoir quelqu'un. Merci de votre compréhension. D'ici quelques instants. Pour moi, plus d'informations sur la CNIL, tapez dièse. Non, on en a suffisamment des informations sur la CNIL. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, appuyez maintenant sur la touche 9. Non. On va être enregistré, il n'y a pas de raison. Moi, ce que je voulais, je suis un peu déçu. Je voulais entendre. Pour l'ameublement, l'électroménager, choisissez But. Bah oui. Dès que ça répond, Charlotte, vous me faites une petite alerte. La voici, l'alerte. Dès qu'on entend ça, ça veut dire que quelqu'un répond, on le bascule immédiatement sur l'antenne d'RTL. Allez, dans une seconde, nous aurons le cas de Christophe, un cas de construction, Céline. Il a payé 200 000 euros à un constructeur et la maison, eh bien, il n'y a pas d'enduit sur certains murs et sur la porte d'entrée. Il n'y a pas d'enduit et ça l'ennuie. Et ça sera juste après avoir écouté ce petit chef-d'œuvre. Good time sur l'antenne d'RTL. C'était Chic et Good Time, c'est incroyable parce que quand cette chanson est sortie, on est un petit peu dans l'air du temps, à l'époque c'était la crise aux États-Unis et eux avaient sorti ce titre en disant ben, c'est la crise pour vous, mais pour nous c'est le bon temps, on fait de la bonne musique, on vend des disques et vous voyez que c'est malheureusement d'actualité. Ouais. Alerte, que se passe-t-il s'il vous plaît Charlotte ? Nous sommes en ligne avec But de Thionville. Bonjour But Thionville. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais s'il vous plaît avoir la personne en charge du SAV, monsieur Richard Nave ? Ah, il n'est plus chez nous. Ah, alors qui le remplace ? Ou alors peut-être le directeur du magasin, monsieur Siché ? Oui. Je vais voir s'il est là. C'est très gentil. Merci beaucoup, mademoiselle ou madame. Merci. Merci. Alors, nous allons avoir quelqu'un. Encore une fois, je serais très étonné que ça ne se passe pas bien. Mais l'ambiance est jazzy. On se croirait, vous savez, dans un épisode de Mike Hammer. Décoration, cuisine, mais aussi TV, électroménager, Votre magasin But de Serville propose une large gamme de produits de qualité au meilleur prix. Vous récupérez l'appel, ma petite Charlotte, le temps que ce monsieur arrive. Et ça me permet donc de parler de construction avec Christophe, qui peut être déjà en ligne avec nous. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, racontez aux auditeurs d'RTL, s'il vous plaît, le but de votre appel. Alors voilà, j'ai fait construire ma maison par un constructeur individuel en 2017. Et lors de la réception, des réserves ont été notifiées, comme l'enduit extérieur côté garage et côté porte abîmée et d'autres. Et depuis, personne n'est venu finir le travail. Donc il reconnaît qu'il y a des finitions à faire, mais il ne vient pas les faire quand vous l'appelez, que vous dit-il ? Il me dit quand j'appelle le siège, il me dit ils vont passer le conducteur de travaux, monsieur Juré, et on n'a pas de jamais de réponse. Alors Christophe, je vous interromps quelques instants car apparemment j'aurai une alerte. Sur quel dossier, s'il vous plaît, Hervé Pouchol ? Eh bien écoutez, sur le dossier de But, vous avez le responsable du service après-vente de But Thionville. Bonjour monsieur le responsable du service après-vente de But Thionville, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, je suis pas le responsable. Ah, bon. Vous le saurez un jour, monsieur, vous avez un énorme potentiel. Mais est-ce que vous pouvez nous aider sur un dossier concernant un client qui est aussi un auditeur, à qui on dit on va vous réparer votre assise ou la changer, enfin bref, mais vous ne venez pas et ça date depuis maintenant longtemps. Si je vous donne son nom, vous pouvez retrouver son dossier ? Oui, tout à fait. Alors, il s'appelle James Lee West. C'est monsieur West, W-E-S-T. Oui, je l'ai. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur votre computer ? Alors que hop, le client du coup souhaite un échange, je vois aussi que on l'a accepté de lui échanger, mais seulement les pièces défectueuses. D'accord. Donc, fournisseur envoie une assise pièce 2, William 2. Et ça date, monsieur, on est bien d'accord, du 9 avril. Du 24 avril. Alors 24 avril, alors comment on explique mai, juin, juillet, août, septembre, octobre Je sais pas du tout, apparemment tout était bon et là je vois qu'on a même proposé au client une camionnette, de lui prêter une camionnette gratuite pour venir récupérer les pièces, je pense, et j'ai pas d'autres commentaires. Bon, alors il faut, voilà, que pourquoi monsieur, j'aimerais bien que vous me passiez peut-être, que vous alliez en parler au directeur de But de Thionville, parce que le client ne peut pas attendre comme ça. Maître Felloneau. Oui, monsieur, bonjour. Vous devriez avoir sur votre ordinateur une mise en demeure de rembourser purement et simplement. Elle date du 10 septembre 2018, puisque le délai d'un mois pour réparer est amplement dépassé, que vous n'êtes toujours pas capable de le faire et d'échanger avec la pièce défectueuse par une pièce neuve. Donc maintenant, il veut purement et simplement le remboursement. Voilà. Pouvez-vous faire passer le message à votre direction, s'il vous plaît ? Nous, on patiente. Oui. J'entends très mal, hein. Excusez-moi. Alors, grosso modo, vous avez reçu une lettre recommandée disant maintenant, vu que ça traîne à ce point, je veux le remboursement de mon canapé, il y a le droit, puisque vous aviez un mois pour le réparer, vous ne l'avez pas fait. Donc aujourd'hui, il lui faut ce remboursement, mais juste, ça date encore une fois d'avril. Si vous aviez la gentillesse, et on peut patienter, d'aller voir avec votre direction pour faire avancer ce dossier. Ouais, je peux voir avec ma responsable. Allez, déjà. Et nous, on attend pendant ce temps-là, d'accord ? Ça marche, pas de merci problème. Merci de votre gentillesse, monsieur. Dans deux minutes à peu près. Pas de souci, on reste là, je récupère. Allez-y, Hervé. Merci de votre gentillesse, monsieur. Ça marche. C'est ce que je disais en début de dossier. C'est pro, c'est carré, c'est But. Il peut y avoir des soucis comme partout. Mais au moins, là, les dossiers avancent. Récupérez l'appel, Hervé. Donc, James Lee, on s'en occupe, ça avance pas mal. James Lee, j'avais fait une énorme confusion. Je pensais que James Lee était affilié à la famille de Bruce Lee, mais pas du tout. C'est James Lee West. C'est la famille de James West. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas le rembourser. Quand ils l'ont vu arriver sur... Je m'y attendais pas du tout. Écoutez-moi, James Lee West. Si vous pensiez que j'étais quelqu'un d'original, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Elle me manque, cette série. Avec James West, avec Artemus Gordon, avec Miguelito Loveless. C'était la personne de petite taille, bien sûr. James Lee, ça avance bien votre histoire. Dans quelques instants, est-ce qu'on va revenir sur d'autres cas, s'il vous plaît, Céline ? Oui, on pourra lancer le cas de Christophe. On n'en a pas encore vraiment parlé. C'est 200 000 euros quand même pour une maison. Et il manque des enduits sur certaines parties de la maison. Allez voir les photos sur Facebook. On va faire aussi une petite farandole de règles d'or avec vous là-dessus, Maître Novakovic, sur ces fameuses réserves lors de la réception du chantier. C'est super important. RTL, on a tellement de choses à se dire.

Allô, oui, le lièvre en construction ? Oui. Bonjour, c'est Julien Courbet à l'appareil, madame, c'est la radio RTL. Je vous appelle car j'ai un de vos clients qui est un de nos auditeurs, monsieur Terry, qui a un petit souci d'enduit et il avait déposé ça en réserve et vous lui avez dit il n'y a pas de souci, on va venir le faire, mais vous ne venez pas depuis très très très longtemps. À qui puis-je parler s'il vous plaît ? Je ne sais pas. Ah, mais peut-être madame Lelièvre, est-ce qu'elle est là éventuellement ? Non, elle n'est pas là. Alors, si madame Lelièvre n'est pas là, essayons à Alexine Vaillant. Non plus. Alors, peut-être que vous allez commencer par me dire qui est là, on gagnera du temps. Au niveau des dirigeants, j'ai personne. Ah. Alors, le directeur technique, sinon. Eh bien, allons-y pour le directeur technique. On va s'en contenter. Il va peut-être pouvoir nous répondre. Mais maintenant, alors, si vous pouviez envoyer un petit texto à Nathalie Lelièvre ou à Alexine Vaillant, comme on est à la radio ce matin, ça serait top. Alors, que voulez-vous savoir de plus, madame ? Oui, donc c'est pour quel dossier, vous m'avez dit ? Christophe Terry, la maison de Boutigny-sur-Essonne. Terry, Boutigny-sur-Essonne. Et pourquoi il fait appel à la radio, ce monsieur ? Eh bien, parce que quand il fait appel à vous, il ne se passe pas grand-chose, malheureusement. Alors il est au courant de la situation de la société ? Ah non ? Mais si vous ne lui répondez pas, il ne peut pas l'être. Qu'est-ce il faudrait peut-être qu'il nous appelle. Mais madame, il le fait, il va vous le dire. Alors Christophe, expliquez à cette dame pourquoi vous êtes sur RTL. Vous allez comprendre, madame. Parce que je vous ai appelé plusieurs fois, on va dire presque deux fois par mois. À chaque fois, on me dit, je vais vous passer monsieur Jury, celui qui s'occupe de votre dossier, et il ne me répond jamais. Comment s'appelle-t-il, celui qui s'occupe de votre dossier ? Monsieur Jury. Jury, il est là, madame ? Oui. Alors voilà, c'est lui qui. Il a essayé de le joindre ou pas dernièrement ? Plein de fois. Il l'appelle et à chaque fois, on lui dit on va vous le passer, on ne vous passe pas. Il a envoyé des mails, il a envoyé des courriers recommandés aux conducteurs de travaux. Est-ce qu'il y a eu des réponses à ces courriers recommandés, Christophe ? Une fois, il y a une personne qui s'est déplacée avec tous mes recommandés, elle est venue le constater et elle a dit dans les deux semaines ça sera réglé et la personne a démissionné juste après. Voilà. Et c'était quand ça ? Il y a au moins 4 mois facile. 4 mois, madame. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'en peut plus. Est-ce que monsieur. Monsieur Terry est au courant de la situation de la maison Lelièvre. Non, mais allez-y, donnez-nous la situation de la maison Lelièvre. Nous sommes en redressement judiciaire depuis le 5 octobre. D'accord. Donc il a dû, je ne sais pas si un mail lui a été envoyé, il a eu un mail avec les coordonnées de notre mandataire, c'est lui qui gère les dossiers, donc il faut qu'il prenne contact avec cette personne. Donc vous ne pouvez plus à votre niveau intervenir. Tout. D'accord. Du Alors, tout. Est-ce que vous avez reçu, Christophe, un mail disant que c'était en redressement judiciaire ? Non, du tout. Voilà, donc il l'a pas reçu, donc on ne pouvait pas l'aider. Maître Novakovic. Si je peux me permettre, madame, bien sûr, alors d'accord, on apprend effectivement qu'il y a un redressement judiciaire, donc il va déclarer ce qu'on appelle sa créance. Cela étant, le redressement judiciaire ne veut pas dire liquidation, vous exercez non, toujours. Vous pouvez très bien, commercialement, réparer les dégâts. Madame, je vais vous poser une autre question. Bon. Si demain, est-ce que je dois dire aux auditeurs d'RTL, qui sont nombreux, qu'il ne faut plus appeler Lelièvre Construction parce que la boîte tout. Est fermée D'accord. Donc ça marche. Donc si on veut faire construire une maison, on peut vous appeler. Bien sûr, vous pouvez appeler. Vous pouvez envoyer quelqu'un finir l'enduit que vous n'avez pas fait. Alors, ça concerne en quoi ? C'est du SAV ? C'est quoi exactement ? Mais oui, vous n'avez pas mis d'enduit. Il manque de l'enduit. Quand vous avez livré la maison, tout le monde l'a constaté qu'il manquait de l'enduit. J'ai des photos. Et vous avez dit, bon, ben, on va revenir. Ok, on le note. Et vous n'êtes jamais revenu. Et il a envoyé des mails à qui, ce monsieur ? À tout le monde, madame. Je vous l'ai dit, à tout le monde, il a envoyé des mails. Il les a envoyés. Écoutez, madame, on ne va pas discuter pendant 45 ans. Non, mais parce que là, vous êtes à l'accueil, vous êtes au standard. Mais alors, madame, je vous demande d'envoyer. Je n'ai pas connaissance du tout du dossier. Bah oui, mais alors, attention, madame, si je puis me permettre, je vous le dis gentiment, ne dites pas n'importe quoi, parce que ce que vous avez dit là. Ah, ben si, quand vous dites. Je le mets au courant de la situation. Mais alors, oui, mais le fait que ce soit cette situation ne change rien, madame. Non, du bon, tout. Bon, bah alors. Il faut qu'il s'adresse aux bonnes personnes. Alors, la bonne personne, c'est Nathalie Lelièvre. Pouvez-vous lui envoyer un texto, s'il vous plaît ? Non, il faut qu'il appelle le service après-vente. Non, moi je veux parler à Nathalie Lelièvre. Voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lui envoyer un texto ? Non, je ne peux pas lui envoyer un texto, non. Alors, je lance un appel sur l'antenne d'RTL à tous ceux qui nous écoutent en toute la France. Il est impossible d'envoyer des textos à Nathalie Lelièvre, car visiblement, elle ne doit pas avoir de téléphone. Donc, si vous la connaissez, comme la dame ne veut pas envoyer de texto, merci de lui en envoyer un pour qu'on puisse lui parler. Je suis désolé, madame, mais moi, quand je vous demande de lui parler, dites-moi, je vais passer le message, mais ne me dites pas, c'est impossible. Mais ce n'est pas elle qui gère les dossiers. Elle est gérante, madame, bien sûr que c'est elle qui gère les dossiers. C'est pas elle qui gère les dossiers. Là, chaque service a son... Alors, passez-moi le service qui s'occupe des maisons qui ne sont pas terminées et qui ont été payées. Le service après-vente. Voilà. Vous pouvez pas me les passer ? Non. Ah, d'accord, c'est un service parce qu'on est peut-être on est sur une plateforme ou sur un standard décentralisé ? Vous êtes au standard du siège.

pas le droit de répondre à aucune question. D'accord, eh bien, nous on continue dans l'émission. Donc, voilà. Amis auditeurs, vous voyez ce qui se passe quand on appelle le Lièvre Construction pour leur demander d'intervenir. Ils n'ont pas le droit de rappeler, donc nous continuons et nous ferons un Le Lièvre-ton maintenant jusqu'à ce que... Parce que moi, il me faut absolument l'avis de Nathalie Le Lièvre. C'est tellement facile de dire, on ne dit rien, on ne fait rien et de laisser... Alors maintenant, le fait que ce soit en... Redressement judiciaire, est-ce que ça l'empêche de faire une action ? Bah, disons que malheureusement, il est en droit effectivement d'assigner l'entreprise avec l'administrateur judiciaire, bien sûr, pour demander en référé à ce que tous ces désordres soient réparés et mettre en cause également l'assurance. Mais il est évident que de bonne foi, l'entreprise devrait réparer, même si elle est en redressement judiciaire, parce que elle les a mis en demeure avant ce redressement judiciaire d'effectuer effectivement tous ces travaux qui sont pas extrêmement nombreux non plus. Donc là, on est dans une affaire de bonne foi finalement. Christophe, vous ne vous inquiétez pas, nous allons essayer d'avoir dans la journée Madame Nathalie Le Lièvre pour qu'elle nous explique, un, si Le Lièvre Construction continue de faire son boulot, si Le Lièvre Construction est réputé pour ne pas finir les chantiers, c'est une question que je lui poserai, puisque là, visiblement, ils ne viennent plus. Et puis, on a une assistante qui nous a dit et qui a insisté, est-ce que vous connaissez l'état de la société, donc pour qu'elle nous en dise plus et qu'elle rassure ceux qui pourraient être inquiets. C'est donc son intérêt de parler, de nous dire que tout va bien et de s'occuper du client. Donc, laissez-moi, Christophe, un tout petit peu de temps, s'il vous plaît. C'est JB qui est sur ce dossier. Ce journaliste est un journaliste, le seul, je crois, en France, qui porte une muselière, car il ne lâche jamais rien. Donc là, pour l'instant, je la laisse, mais il se peut que je défasse la muselière, et auquel cas, vous pourriez très vite vous retrouver dans une maison de 900 mètres carrés avec du marbre et 24 jacuzzi, Christophe. Laissez-moi faire et je vous donne des nouvelles, d'accord ? Très bien, merci. Hervé Pouchol, que se passe-t-il exactement ? Dans quelques instants, du nouveau sur le cas... De James Lee, le canapé, vous savez ? Acheté chez nos amis de chez But, et qu'est-ce qui pourrait se passer ? Eh bien, je vais avoir un interlocuteur, là, je peux vous assurer que vous n'allez plus... Je vais plus faire le malin. Eh bien, je vais vous dire, je vais vous récompenser avec ce titre que vous adorez. Marc Lavoine, seul définitivement sur RTL. C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol, devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement, balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc. L'amour s'éteint, il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul, définitivement, balayé par le vent. Marc Lavoine sur RTL avec Seul, définitivement, c'est son troisième extrait. Rendez-vous le 12 janvier au Casino de Bordeaux. Je jouerai pour vous, pour les Bordelais, le One Man Show, retour sur mes terres pour une spéciale Bordeaux. 12 janvier, Casino Barrière de Bordeaux.

vous avez dû passer pas forcément comme étant une priorité. Et donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de changer cette partie défectueuse et puis qu'on puisse terminer ce service après-vente, enfin que ce consommateur puisse récupérer un produit malheureusement, conforme en tout cas. Oui, mais malheureusement, je pense que ce n'est pas ce que veut James Lee, maître Felono. Oui, bonjour monsieur. Je crois que c'est un peu tard puisque la promesse de changer la pièce défectueuse remonte au début avril, que maintenant lui la demande. Pardon, excusez-moi de vous couper. La demande, c'est-à-dire que vous avez à peu près pour avoir une pièce de salon, il faut compter entre un mois à deux mois à peu près. Donc, ah, d'accord. Demande qui est... Ça oui, remonte au mois d'avril. Oui, je suis d'accord. Hein. Donc, avril. Je suis d'accord. Hein. Oui. Alors moi, c'est un mail de votre part. Bonjour, notre fournisseur nous envoie l'assise. Nous vous rappellerons dès sa réception. Ça date du 9 avril. Donc là, je pense que votre fournisseur vous a un peu baladé effectivement, mais lui vous a envoyé par l'intermédiaire de sa protection juridique une lettre recommandée avec accusé de réception. Prenant acte du non-respect du code de consommation pour la réparation de ce défaut, puisque vous aviez un mois pour le faire, et donc il a demandé, comme c'est son droit le plus pur, le remboursement du prix du canapé. Et chaque jour qui passe, en plus, vous vous exposez à une pénalité. Mais non, on n'en est pas là. Monsieur, voilà, je l'ai dit en début de sujet, l'avantage, c'est qu'il est rentré chez But, et But, c'est des gens sérieux. Vous avez eu un petit couac, et c'est normal, sur les milliers de ventes que vous faites avec votre fournisseur. Maintenant, comprenez que quand on achète un canapé, et qu'en avril, il est défectueux, qu'on vous dit « réparez-le moi », et que vous avez vu la date du jour... Donc aujourd'hui, il demande le remboursement, vous le garderez comme client, ça me paraît logique. En plus, bon, c'est la loi, mais je pense que vous comprenez que ce monsieur, aujourd'hui, il en a un petit peu marre. Mais c'est évident, mais ça reste un consommateur. Hein. On fait pas de com' parce qu'on passe sur l'antenne, mais à partir du moment où on a un produit qui est défectueux, moi je suis pas coutumier, je dirais que pour une fois dans ma carrière, je serais passé dans votre émission. Oui, mais vous allez prouver à tout le monde qu'en rentrant dans un magasin But, quand il y a un souci, il est réglé, ce qui n'est pas le cas avec tout le monde. Avec But, ça l'est. Oui, c'est normal. Ça reste un consommateur. Je me rends compte sur ce dossier-là qu'on a des infrastructures qui sont lourdes et sur lesquelles on a des dossiers qui nous échappent. Et encore une fois, moi, je présente mes excuses au nom de notre magasin puis de l'enseigne. Bon. Mais en tout cas, concernant la demande de ce monsieur, enfin, de ce consommateur, il est évident que s'il souhaite le changement, je fais le changement du salon. S'il souhaite le remboursement du salon, est-ce qu'il est son droit? Je procéderai au remboursement du salon. On lui demande tout de suite. Allez, James Lee, qu'est-ce que vous souhaitez? Éventuellement, oui, le remboursement, ouais, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, depuis cette date, j'ai déménagé et en gros, j'essaye de revendre ce canapé qui ne sert à rien. Alors, ne le revendez pas parce qu'il va peut-être vouloir le récupérer, notre ami de chez But. Bon, ben voilà, monsieur. Et encore une fois, je vous remercie et je le dis, ça arrive partout, dans toutes les enseignes. Après, la différence entre une bonne enseigne et une mauvaise enseigne, c'est que la bonne, elle règle le problème, ce que vous venez de faire. Et je vais donner maintenant ordre, monsieur, à toute l'équipe d'aller au But de Terville acheter un meuble dès qu'ils en auront à acheter un pour vous montrer notre bonne foi. Ah ben c'est gentil. Voilà. Parce que c'est pas pratique pour nous quand même, on est à Paris. Hein. Non mais je suis un ex-parisien, mais en tout cas c'est très bien. Merci. Non mais merci mais à vous. Surtout je présente vraiment sincèrement mes excuses auprès de ce consommateur. On est des grosses, en plus le magasin de Thionville est un très gros magasin et je peux vous dire que c'est des dossiers comme celui-ci nous démontrent encore une fois que même si on essaye d'être précis, même si on essaye d'être bon, c'est toujours compliqué. Mais ça, le risque zéro n'existe pas pour nous aussi. RTL, on fait des bêtises. Mais après voilà, ce qui fait plaisir, c'est quand on voit qu'une enseigne règle le problème derrière. Allez, rapidement Bernard. Juste un point pour dire que la direction France était au courant, ils ont parlé avec monsieur Zichet, il a rappelé Hervé, ils l'ont fait immédiatement. Ça s'est fait en quelques minutes. Voilà, James est un excellent client, il avait acheté tous ses meubles ce jour-là, seul le canapé a eu un petit défaut et c'est pas la première fois qu'il rentre dans votre magasin, c'est un grand fidèle. Voilà. Donc je pense qu'une fois de plus, vous lui témoignez que il faut qu'il continue à venir chez vous, n'ayez crainte sur ce sujet. Voilà, vous continuez à aller chez But Terville, mon cher James Lee, parce que là-bas quand il y a un petit problème on répare. Merci monsieur le directeur. Merci. Merci alors je vous laisse, je laisse ce soir vos services de prendre contact avec notre ami. Oui tout à fait. On s'occupera donc, on récupérera le salon. Ça marche. Et on procédera immédiatement au remboursement de celui-ci. Bravo Buterville. Bonne journée monsieur. Un mot merci. Hervé. Petit geste commercial. Moi, non, je pense non, à... non, oh, non, il vous me fatiguez. Allez il merci charrie. Monsieur le directeur. Bonne journée. À bientôt. Merci. James Lee, tout va bien? Merci beaucoup. Voilà, et je vous remercie d'avoir dit sur l'antenne tout à l'heure, oui, vos blagues, on me les a fait 200 fois, mais je vous ai quand même aidé, James Lee. Non, c'était la toute première fois, vraiment. Non. Bonne journée, James Lee, tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Céline. On reviendra sur les dossiers de Marc, 4 400 € pour des fenêtres, tout devait être posé en février. A tout de suite sur RTL. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne journée sur RTL. Sephora.

un après-midi pour savoir s'il avait des nouvelles et il m'a dit que non, il n'était pas au courant. On va rappeler, mais ça porte toujours le même nom, ça s'appelle toujours Prestige ISO. À mes dernières informations, oui. Et apparemment, ils travaillent beaucoup ces gens-là parce qu'ils m'ont dit que si la commande n'est pas arrivée, c'est parce qu'ils étaient surpassés de commande. Eh ben, on va voir ça, on va les appeler tout de suite. Nous appelons Prestige ISO, ça se trouve apparemment 5 rue de la Belle Étoile à Ormois. Il y a un acompte, écoutez bien, de 4 400 €. 4 400 euros qui n'a pas été rendu. La livraison de la poste devait avoir lieu en février 2017. Bonjour, vous êtes bien sur la société Prestige ISO. Actuellement, nous avons un problème de téléphone. Veuillez nous contacter au 07 03 28 20. C'est le numéro de portable, normalement, de M. Yoni Bouchoucha. Alors, il a quitté la société ou pas ? Alors, en appelant à ce numéro, je tombe justement sur une personne qui me dit que c'est plus lui. C'est M. Charavet. Pourtant, il figure bien sur les documents officiels encore. Ouais. Peut-être qu'il l'a inventé. Ça, c'est une bonne technique aussi. Alors, je ne dis pas que c'est le cas. On ne dit pas que c'est le cas. Je veux que les choses soient claires. Mais alors, vous êtes Julien Courbet ? Ah, bah non ! Alors, vous changez votre voix. Bah non, là, moi, c'est revers l'envers, là. J'ai repris. Non, c'est plus lui, là. Ah, et vous laissez tomber. Ben oui. On laisse un message. Si jamais il y a évidemment un répondeur, ne vous inquiétez pas. Là, je pense que c'est un dossier très important. Il va falloir, je le dis à nos fins limiers, qu'on y revienne vraiment beaucoup là-dessus. Bon, alors, on lance un appel à Yoni Bouchoucha. Yoni Bouchoucha, merci de bien vouloir rendre l'acompte de 4 400 € ou d'expliquer sur l'antenne d'RTL pourquoi vous ne le rendez pas, de donner votre version des faits, sachant que quand notre journaliste, M. Yoni Bouchoucha, vous a appelé, vous lui avez dit « Ah ben non, maintenant, ça, c'est M. Charvet ». Alors, on ne sait pas trop qui est M. Charvet. En tout cas, nous, on sait que Prestige ISO, 5 rue de la Belle Étoile à Ormois, a pris un acompte et n'est jamais venu livrer les fenêtres, je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Alors, je le dis pour tous ceux qui pourraient conclure avec eux, il faudrait que Prestige ISO rassure tous ceux qui pourraient passer par eux, parce que là, visiblement, c'est quand même 5 500 € perdus. Prestige ISO, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Prestige ISO, il se trouve à Ormois, 5 rue de la Belle Étoile. Charlotte ? Ça continue de sonner, mais apparemment, il n'y a pas de répondeur. Bon, ben on essaie non-stop et je vais les avoir dans les jours qui viennent. Donc, Marc, je vous assure qu'on ne laissera pas tomber. OK ? J'ai tout à fait confiance, il n'y a pas de souci, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous. Sur quoi enchaîne-t-on, s'il vous plaît, maintenant, Céline ? On partira sur le dossier de Dalila. Elle est formatrice en informatique. Une entreprise lui doit 500 € depuis 2 ans. Peut-être que ça a bougé, peut-être que ça n'a pas bougé. Vous allez le découvrir en même temps que moi sur l'antenne d'RTL, puisque nous sommes dans la partie des cas bloqués. Mais les journalistes continuent tous les après-midi à se battre pour vous. D'ailleurs, cette radio fait tout pour ses auditeurs. C'est la seule en France. Elle s'appelle RTL. Cultura. Qui c'est qui a pas encore écrit sa lettre Père Noël ? Qui c'est ? C'est toi. Et le pauvre Père Noël, comment il va faire pour t'apporter des jolis cadeaux ? Si vos proches ne savent plus quoi inventer pour vous soutirer des idées de cadeaux, ne dites pas. Bah, il a qu'à demander des idées au lapin de Pâques, le Père Noël. Mais dites plutôt. Il ferait bien d'aller faire un tour chez Cultura, le Père Noël. Pas de panique pour vos achats de Noël. À partir du 14 novembre, toutes les meilleures idées cadeaux sont dans les magasins Cultura et sur cultura.com. De quoi passer un joyeux Noël ? Cultura, l'esprit jubile. Sephora. Vous connaissez Noël, mais connaissez-vous Noël chez Sephora ? Cette année, mettez les petits paquets dans les grands et profitez de moins 25% sur les parfums et coffrets parfums. De quoi faire plaisir à ceux que vous aimez. À commencer par vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'à dimanche pour céder à vos lubies parfumées à moins 25%. Alors n'attendez plus pour trouver le cadeau parfait. À très vite chez Sephora. Liste des magasins ouverts sur Sephora.fr. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Olivier fait ses courses dans un magasin U. Il demande à la poissonnière. C'est facile à préparer des noix de coquille Saint-Jacques ? Oh, c'est un ratable, comme leur prix à 28,90 € le kilo. 28,90 €? Ma femme va nager dans le bonheur. Bah oui, forcément, avec ce prix inratable. U. Commerçant autrement. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin-u.com. Noix de coquille Saint-Jacques pêchée en Atlantique Nord-Est. Produite en France ou Royaume-Uni ou Irlande, selon votre point de vente. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des 2 premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Et moi, et moi, et moi.